Tu peux aimer de façon inconditionnelle. Et à partir du moment où tu exprimes à partir du jeu, bah c'est l'ego qui va exprimer cela. Et pourquoi il exprime cela? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'exprimer cela? Pour se rassurer, pour rassurer l'autre. Toi, pourquoi l'ego va s'exprimer à partir du je t'aime? Alors que c'est quelque chose de merveilleux, hein, je t'aime. Voilà. Mais je t'aime maintenant, mais est-ce que demain je t'aime aussi? Voilà. Et puis si demain tu m'insultes au téléphone, est-ce que je vais t'aimer de la même façon? Ouais, c'est ça qui est, c'est, la pensée, c'est toujours l'état. La pensée, c'est toujours quelque chose de négatif, la pensée. Maintenant, quand tu aimes de façon inconditionnelle quelqu'un, ta simple présence est amour. Elle n'est pas dans l'expression de l'amour. Ça, c'est le texte. Elle est là, quoi. T'es là pour la personne. Et même si la personne, eh ben, elle fait les, c'est très compliqué avec elle, eh ben, c'est pas grave. Tu rentres dedans, tu fais ce qu'il faut, etc. Mais t'es là pour elle. Toujours. Sans condition. Même si c'est dur. Sans condition. Et t'as pas besoin de dire, t'as pas besoin de le dire. Hein? Après, si l'autre, si la personne en face a besoin d'être rassurée, bon, bah, stratégiquement, tu vas le lui dire, tu vas lui souffler dans l'oreille, mais c'est parce que l'autre, quelque part, elle a besoin de ça, ce sont ses codes, et puis voilà. Mais en fait, c'est le plus beau des mensonges. Parce que c'est vraiment circonstanciel, quoi. C'est quelque chose qui, comme tout est impermanent, je veux dire, c'est compliqué, toi, c'est compliqué. Toi, il y a un moment donné où peut-être tu dis je t'aime à ta mère, et puis peut-être 3 jours après, elle va t'envoyer 4 réflexions dans la tronche à la seconde, et puis là, tu vas te mettre en colère, et puis c'est ça l'amour, c'est ça je t'aime. Mais ça, c'est pas je t'aime, ça. Ça, c'est du foutage de gueule, ça, c'est pas je t'aime, ça, c'est pas ça aimer quelqu'un, c'est pas se mettre en colère après, tu vois. Et comme tout est impermanent et que tout est, parce que l'ego, il est dans l'attachement, eh bien, en fait, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Donc, une des qualités essentielles, c'est la vérité. La vérité. Voilà. Et la vérité envers soi-même. Alors, je préfère ne rien dire parce que je sais que je suis instable émotionnellement, parce que parfois je me mets un peu en colère, parce que des fois j'ai des réactions un peu dures, ou parce que parfois, voilà, je réagis à ce qui est en face de moi, j'en suis encore là, alors je vais surtout pas dire je t'aime. Par contre, je vais tout faire pour l'exprimer. Je vais agir avec compassion quand ma mère ou mon père va m'envoyer des vannes, je vais accueillir ça avec le cœur, je vais dire bon ben, ok, il en est là encore, dans sa souffrance. Toi, je vais agir avec sagesse. En fait, ce qu'il est bon, et c'est tous les enseignements, ils sont là, c'est d'insuffler de la sagesse dans toutes vos attitudes mentales. Et c'est pas évident. Parfois, la sagesse, elle peut prendre une dynamique dure, parce en face, c'est béton, quoi, en face. Et parfois, pareil, process neurolinguistique, je vais mimer, voilà, je vais mimer l'autre, mais en mimant l'autre, je vais l'amener quelque part où il va pouvoir se déposer, réfléchir et puis se détendre. Donc c'est une stratégie. Et parfois la stratégie, elle demande de la force. Hein? Oui, j'arrive, Christine. Et après, la stratégie, elle demande de la force. Voilà. Donc si c'est le je t'aime vraiment, vraiment le je t'aime, en fait c'est paix et amour, ce qu'on devrait souhaiter aux gens. Paix et amour. Si vraiment il y a quelqu'un en face de toi, paix et amour, et pourquoi tu dis je t'aime à telle personne, parce que c'est ta mère, ton chien, ton frère, et pourquoi tu dis pas je t'aime à la personne qui est dans la rue à côté, que tu connais pas? C'est l'attachement. Parce que c'est l'ego, c'est l'attachement. Voilà. Il n'y a pas la sagesse de l'équanimité ni de la compassion. Vous voyez, c'est tout ça qu'il est bon que l'esprit reconnaisse et comprenne. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres et des conflits, parce que l'humain, il en est encore là. L'humain, il en est encore là. Voilà. Donc, agir, le karma yoga, c'est l'action désintéressée. Voilà, qui est complètement désintéressée. C'est-à-dire que je suis pleinement au service. Après, ça vous appartient. Je suis pleinement au service. C'est tout. Parce que c'est ainsi. C'est mon karma. Donc, je suis pleinement au service. Et à partir de là, j'ai pas besoin de dire je t'aime, je t'aime pas, toi je t'aime, toi je t'aime pas. Toi, ta gueule, là, non, toi je t'aime pas, toi. Hein? Un peu comme dans Bryce de Nice. C'est une belle référence, Bryce de Nice. Hein? Apparemment, je la sors souvent, celle-là. Hein? Vous savez, quand il est au portail, là, qu'il sélectionne tout le monde pour entrer dans sa partie, là, à la maison, ouais, toi tu peux rentrer. Toi là, non, pas toi. Toi tu rentres pas, toi tu dégages. Et puis voilà. Et en fait, c'est assez rigolo, mais c'est très caricatural. Mais ceci dit, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on interagit les humains entre nous et c'est dommage. Tu comprends, Nat? Mmh. Hein? Donc voilà, parfois il est bon de c'est plus les actions qui sont importantes plutôt que les pensées et les mots. Voilà. D'ailleurs, on voit bien, hein, il y a le dicton, hein, c'est à travers ses actions qu'on voit la valeur d'un homme avec un grand H, hein, d'un homme, d'une femme. Et non pas à travers ses propos.